Le roi Corbin, conte des frères Grimm, lu par Maïté. Un roi avait une fille d'une grande beauté, mais si fière et si orgueilleuse qu'elle ne trouvait aucun prétendant à son goût. Elle les refusait, l'un après l'autre, dédaigneusement, après s'être moquée d'eux. Un jour, le roi donna une grande fête à laquelle il invita tous ceux qui désiraient épouser sa fille. On les fit entrer dans la grande salle et on les plaça selon leur rang de noblesse. D'abord les rois, puis les princes, les ducs, les comtes, les barons et enfin les simples gentilshommes. Puis, on les présenta l'un après l'autre à la princesse qui leur trouva à chacun un défaut. L'un était trop gros, un vrai tonneau. L'autre, long comme un cierge. Le troisième, trop court, un pot à tabac. Le quatrième, trop pâle, il n'a pas de sang. Le cinquième, trop rouge, c'est une tomate. Le sixième ne se tenait pas assez droit, la tour penchée. Bref, aucun ne fut épargné. Mais elle se moqua tout spécialement d'un pauvre roi qui avait le menton retroussé. « Oh !» s'écria-t-elle en éclatant de rire. « Celui-ci a le menton en bec de corbin !» Le nom lui resta, et dès lors, on l'appela le roi Corbin. En voyant sa fille se moquer ainsi de tous ceux qu'on lui présentait, le roi entra dans une grande colère et jura de lui donner pour époux le premier mendiant qui se présenterait à la porte du palais. Quelques jours plus tard, un pauvre musicien, en quête d'aumône, vint chanter sous les fenêtres du château. Le roi l'entendit et le fit venir aussitôt. Le malheureux, vêtu de guenilles, se présenta humblement, reprit son chant pour le roi et la princesse. Puis, lorsqu'il eut fini, demanda timidement son aumône. Le roi lui dit alors « Ton chant m'a tellement plu que je te donne ma fille en mariage. » En entendant ces mots, la princesse fut épouvantée. Mais son père lui dit « J'ai fait le serment de te donner en mariage au premier mendiant venu, et ce serment, je le tiendrai. » La princesse eut beau supplier, pleurer, rien n'y fit. On demanda le chapelain, et le mariage fut célébré sur le champ. Puis le roi renvoya sa fille en lui disant « La femme d'un mendiant ne serait point à sa place dans ce palais. Va-t'en donc avec ton mari. » Le mendiant, lui prenant la main, l'emmena aussitôt. Naturellement, ils durent s'en aller à pied. Comme ils arrivèrent dans une autre forêt, la princesse demanda « À qui donc appartient cette belle forêt ?»« Au roi Corbin, » lui répondit-il. « Elle serait à vous, si vous aviez voulu l'épouser. »« Hélas, pauvre de moi !» répéta la princesse. « Que n'ai-je épousé, le roi Corbin ?» En quittant la forêt, ils arrivèrent dans une grande plaine, riche et verdoyante. La princesse demanda encore « À qui appartient cette belle plaine ?»« Au roi Corbin. Elle serait à vous si vous aviez voulu l'épouser. »« Hélas, pauvre de moi, que n'ai-je épousé le roi Corbin ?» soupira-t-elle encore. Ils finirent par arriver dans une grande ville. Et la princesse demanda encore « À qui ?» appartient cette belle ville ? Au roi Corbin, elle serait à vous si vous aviez voulu l'épouser. » Le mendiant à la fin se fâcha de l'entendre soupirer de la sorte et lui dit « Il me déplaît de t'entendre sans cesse souhaiter un autre époux que moi. Ne suis-je donc pas assez bien pour toi ?» Ils arrivèrent enfin devant une petite cabane. « Mon Dieu, quel misérable logis ! Qui donc peut-il « Bien habité là-dedans !» s'écria la princesse. « C'est ma maison, ce sera la tienne, et c'est ainsi que nous vivrons !» répondit le mendiant. La princesse dut se courber pour entrer, tant la porte était basse. « Où sont nos serviteurs » demanda-t-elle. « Des serviteurs ?» dit le mendiant. « Mais c'est toi qui devras faire le ménage !» Tu vas commencer par allumer du feu, puis tu iras chercher de l'eau, et tu prépareras le souper, car je suis fatiguée. » Mais la pauvre princesse ne savait rien faire de tout cela, et le mendiant dut l'aider. Leur maigre repas terminé, ils allèrent se coucher. Le lendemain, il fallut se lever de bonne heure pour s'occuper de la maison. Ils vécurent ainsi pendant quelques jours. Mais, à la fin, leurs maigres ressources s'épuisèrent et le mendiant dit à la princesse « Nous ne pouvons pas vivre ainsi sans rien faire. Il faut travailler pour gagner son pain. Tu vas faire des paniers. » Il s'en alla chercher de l'osier et lui montra comment tresser. Mais les baguettes étaient tellement dures qu'elle eut bientôt les mains en sang. « Je vois que tu ne pourras jamais faire des corbeilles, » dit alors son mari. « Tu vas essayer de filer. Peut-être seras-tu plus habile. » Elle s'assit et se mit à filer. Mais le fil coupait ses doigts délicats et ses mains recommencèrent à saigner. « Tu n'es vraiment bonne à rien, » dit l'homme. « Je n'ai pas de chance de t'avoir épousée. Je vais essayer de faire des poteries et tu iras les vendre au marché. »« C'est impossible !» dit la princesse. « Si les sujets de mon père me voient installée au marché à vendre des poteries, ils se moqueront de moi !» Mais, elle eut beau dire, il fallut obéir sous peine de mourir de faim. La première fois, tout alla bien. Les gens lui achetèrent volontiers et payèrent sans marchander parce qu'elle était jolie. Ils vécurent pendant quelque temps avec ce qu'ils avaient gagné, puis il fallut recommencer. La princesse retourna au marché et installa ses poteries dans un coin. Tout à coup, un hussard, qui avait bu plus que de raison, vint jeter son cheval sur l'étalage et tout fut brisé en 1000 morceaux. La pauvre fille éclata en sanglots et rentra chez elle épouvantée de ce qu'allait dire son mari. Celui-ci entra dans une violente colère. Faut-il être assez stupide pour installer des poteries au bout d'un marché? Je vois bien maintenant que tu n'es bonne à rien. Je suis allée tout à l'heure au palais demander si l'on avait besoin d'une fille de cuisine et on m'a promis de te prendre. Tu gagneras au moins notre nourriture. Et la fille du roi, devenue servante, dut se plier aux plus durs travaux. Tous les soirs, elle emportait chez elle quelques restes dont il vivait. On annonça bientôt que le fils aîné du roi allait se marier. Il y eut alors de grandes réjouissances au palais. La pauvre princesse, poussée par la curiosité, se glissa jusqu'à la porte de la grande salle. En voyant l'éclat de la fête, les somptueux costumes des invités, le scintillement des lumières et des bijoux, elle regretta amèrement son orgueil, qui l'avait réduite à une si triste condition. Les convives lui jetaient de temps à autre quelques morceaux qu'elle mettait dans son tablier pour les apporter à son mari. Tout à coup, un des fils du roi entra dans la salle, vêtu de soie et de velours, avec de grandes chaînes d'or autour du cou. En apercevant près de la porte cette jolie jeune femme, il voulut l'inviter à danser. Mais celle-ci reconnut alors le roi Corbin, qui avait voulu l'épouser et qu'elle avait si cruellement raillé, et recula tout effarée. Mais le roi la prit par la main et l'entraîna de force. En se débattant, son tablier se dénoua et les restes qu'elle avait cachés tombèrent sur le plancher. Il y eut alors un éclat de rire général et les gens se mirent à la plaisanter. La pauvre femme aurait voulu disparaître sous terre. Rouge de confusion, elle se précipita vers l'escalier pour s'enfuir. Mais quelqu'un la ramena dans la salle. C'était le roi Corbin. Elle détourna la tête, toute honteuse, mais celui-ci lui dit d'une voix aimable « N'aie pas peur. Ce pauvre musicien avec qui tu as vécu dans ta misérable cabane et le roi Corbin ne sont qu'une seule et même personne. C'est pour t'éprouver que je m'étais déguisée en mendiant. Et le hussard qui a brisé les poteries, c'était encore moi. J'ai voulu te punir de tes railleries et te guérir de ton orgueil. » La princesse se mit à pleurer. « Oh, j'ai été bien injuste envers vous, et je ne suis pas digne d'être votre femme. » Mais le roi reprit avec bonté. « Oublie les mauvais jours, et célébrons maintenant dignement nos noces. » On emmena la princesse pour lui faire revêtir une robe magnifique. Le roi, suivi de toute la cour, vint lui adresser des vœux de bonheur et les réjouissances commencèrent. Les fêtes furent si belles que l'on en parla pendant bien longtemps.